Très bel après-midi à l'écoute des programmes de la première. Là, tout de suite, c'est Histoire vivante jusqu'à 14h. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, théorie et action. L'homme est le seul animal qui réalise ses rêves. De la prison au plein air. Je puis sans doute me dispenser de vous rappeler l'état actuel du monde. L'apprentissage de la pensée. Le défaut majeur de notre civilisation industrielle basée sur l'expansion est qu'elle ne peut durer. L'univers entier est traversé par le processus de l'augmentation de l'entropie, c'est-à-dire de la dissipation irréversible de l'énergie. Quand toute l'énergie sera dissipée, dispersée, dégradée, entropisée, vous mourrez. L'homme fabrique des objets pour faire en sorte qu'ils accordent plus d'importance à leur téléphone portable qu'à leur gosse. Si l'on rapporte l'histoire de notre planète à une journée de 24 heures, l'homme est apparu dans les 5 dernières secondes. Et l'époque de l'Anthropocène serait apparue dans les 2 derniers millièmes de seconde. Troisième journée auprès de Bernard Stiegler. À l'Institut de Recherche et d'Innovation, nous sommes, pour vous faire une idée, on est en face de Beaubourg, où en ce moment même, certains l'ont peut-être vu, une exposition se tient, qui fait d'ailleurs son petit bruit, en l'occurrence l'exposition autour de cet étonnant peintre, concepteur, sculpteur qui a été Vasarely, homme qui était un peu oublié et puis qui revient à la surface. Alors, ceci n'a rien à voir avec ce qui va suivre, quoique, puisque je vous avais quitté hier en vous disant que l'épisode du jour aurait pour thème les concepts. C'est vrai que Bernard Stiegler, vous travaillez beaucoup autour de différents concepts. Vous pointez une révolution des objets exosomatiques complexes. Alors évidemment, quand on a lâché ça comme ça, on peut s'attendre à quelques évanouissements dans la salle. Qu'est-ce que recouvre ce terme d'exosomatique ? Et dans votre réponse, évidemment, emmenez-nous sur ce chemin-là. En quoi faut-il guetter cela de près, l'étudier ? Alors ce concept qui se présente d'abord sous cette forme précise, l'évolution exosomatique... C'est l'expression d'un biologiste américain, qui d'ailleurs était au départ un mathématicien, qui s'appelle Alfred Lotka, que j'ai découvert moi-même en lisant à la fois Vladimir Vernadsky, le biochimiste russe, qui avait écrit La biosphère en 1926, qui parlait déjà d'Alfred Lotka à cette époque-là. Lotka était un spécialiste de l'entropie dans le vivant. Et que j'ai retrouvé ensuite dans un texte d'un économiste roumain, qui a travaillé lui aussi aux États-Unis, également mathématicien au départ, qui s'appelle Nicolas Georgescu-Rugen, qui était l'assistant de Joseph Schumpeter, le théoricien de la destruction créatrice et, disons, de l'innovation industrielle dans le capitalisme américain, le capitalisme du XXe siècle, qui a écrit un livre très intéressant qui s'appelle The Entropy Law and the Economic Process, dans lequel il dit, Je connais bien l'économie industrielle telle qu'on la conçoit, telle qu'elle s'est imposée au XXe siècle, notamment à travers Schumpeter à Harvard, où il est lui-même un assistant. Mais je souligne que cette économie industrielle, eh bien, elle est basée sur une théorie physique fausse. Enfin, pas exactement fausse, mais vraie de manière uniquement idéale. C'est la théorie newtonienne. Schumpeter, qui donc a lu Lotka, je pense qu'ils étaient proches, y compris dans leurs origines extra-américaines, je crois qu'ils étaient amis, dit à un moment donné, il faut introduire en économie la question de l'entropie. Déjà. Aujourd'hui, dit-il, c'est en 1971, et c'est assez frappant que c'est le moment où le MIT va publier Halte à la croissance, hein, avec le rapport Meadows. Donc c'est quasiment au même moment. Et la même année, Arnold Toynbee, l'historien anglais, également écrit un texte où il parle d'ailleurs de Vernadsky. Un texte qui a été traduit en français sous le titre « L'aventure humaine », dans lequel il dit « L'homme est en train de détruire la planète ». Voilà. Donc il y a au même moment, trois livres qui sortent, dont un rapport de MIT, qui est très très connu, mais ces deux livres-là sont beaucoup moins connus, et à mon avis extrêmement importants, dans lesquels, en particulier... Georgescu-Rugen dit il faut absolument étudier Lotka, qui est un biologiste, et qui a montré que l'être humain est un être tout à fait différent des autres êtres vivants parce qu'il produit des organes exosomatiques et que c'est sa condition de viabilité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Un organe exosomatique, c'est un organe qui est hors du corps et qui est donc essentiellement non vivant. Il peut y avoir des cas d'organes vivants. Un cheval dressé est peut-être un organe exosomatique. Un cheval que vous avez dressé, sur lequel vous avez mis une selle, sur lequel vous courez, c'est pas un objet, c'est un être vivant. Mais voilà, c'est un organe exosomatique vivant, d'une certaine manière. Je ferme cette parenthèse parce que j'y reviendrai pas, mais c'est un point très important. Avec les biotechnologies actuelles, d'ailleurs, il faudra y revenir. Alors, moi j'ai lu les textes de Lotka, et en particulier un texte, parce qu'il a écrit évidemment beaucoup de choses. C'était un grand savant, hein. Il est assez connu comme étant celui qui a découvert ce qu'on appelle l'équation de Lotka-Volterra. Lui, il a décrit c'est une équation qui modélise les rapports entre proie et prédateur dans la lutte pour la vie. Au moment même où il l'a modélisé, en utilisant des formalismes de l'entropie d'ailleurs, Volterra en France a fait la même modélisation. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça l'équation de Lotka-Volterra. Ils l'ont fait pas ensemble, mais au même moment. Et c'est le même formalisme. Donc il est très connu pour ça, Lotka. Mais il n'est pas connu pour ce qui, à mon avis, est beaucoup plus important. Et que donc George Scorogan a mis en évidence. À savoir qu'en 1945, il est vieux, il va mourir d'ailleurs peu de temps après. En 1945, il explique que, voilà, il vient de considérer les chiffres d'une étude qui a été faite, je ne sais plus par quelle institution internationale, des victimes de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, de l'énorme destruction de civils, de villes, etc. Enfin, la catastrophe, nouvelle catastrophe qui a produit. Et il dit, bon, moi, j'avais déjà été frappé de ça après la Première Guerre mondiale. Son premier texte, c'est 1922. Voilà, c'est juste après la Première Guerre mondiale. Il dit, l'homme est un être qui a des capacités de destruction absolument inimaginables, et il va se détruire complètement. Il va se détruire si on ne prend pas en compte le fait qu'en fait, il a des organes exosomatiques. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a des organes exosomatiques? Ben, c'est que ces organes, il les produit lui-même, mais qu'à la différence des êtres vivants, qui produisent des organes eux-mêmes, sauf que c'est la biologie qui leur impose la façon de s'en servir, de ces organes. Vous ne décidez pas comment marche votre foie, en fait, hein, il marche tout seul. Voilà. C'est votre ADN, en fait, qui décide comment il fonctionne, en relation avec votre cerveau, votre pancréas, etc. Eh bien, le marteau que vous prenez, le magnétophone dans lequel je suis en train de parler, le micro, on peut l'utiliser de mille façons différentes. Et on peut l'utiliser pour le meilleur et pour le pire. Donc ce que va dire en fait Lotka, c'est ce que j'essaye de dire moi-même depuis fort longtemps, mais sur un registre un peu différent, c'est que tout objet artificiel est un pharmacon. C'est un remède, c'est-à-dire que ça me permet, par exemple, le silex taillé me permet de lutter contre les ours, les jaguars et tout ce qu'on veut. Donc fait de moi en fait, au départ, proie, je deviens prédateur, et je suis capable de tuer les ours, etc. etc. Mais c'est aussi, ce remède, un poison. Comme le dit Freud, par exemple, je veux tuer mon père avec un silex taillé, et en fait, ça pose le problème du crime. C'est l'apparition du crime. Voilà. En principe, les animaux ne commettent pas de crime. C'est-à-dire qu'ils ont des griffes. Bon, on sait que les tigres tuent peut-être par cruauté, mais c'est pas un crime. C'est le tigre. Voilà. Il est comme ça. C'est ce qu'on appelle le caractère du tigre. Il est très méchant, très dangereux, même quand il n'a pas faim. Mais c'est la biologie qui prescrit ça. La biologie, la zoologie, etc. Chez l'être humain, c'est complètement différent, dit Lotka. Et il ajoute, l'être humain a besoin de savoir pour prescrire la manière d'utiliser les organes exosomatiques que son savoir antérieur lui a permis de produire. Et il dit, en 1945, aujourd'hui, les organes vont si vite, le processus d'exosomatisation est tellement rapide, qu'en fait, il n'a plus le temps de produire ses savoirs. Donc, il va vers des catastrophes. Et il annonce la même chose que ce que George Scorogan et le MIT diront plus tard, c'est-à-dire, on va vers une destruction du monde, si on ne tire pas les conséquences de l'exosomatisation. Alors ça, c'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que ça signifie que, pour la première fois, il y a un biologiste, qui est un grand biologiste, qui montre qu'on ne peut pas réduire l'humain aux lois de la biologie. pour des raisons très très très précises, et qui ne sont pas des questions de morale, ou de religion, ou de je ne sais pas quoi. Non, c'est objectivement, il a des organes qui ne sont pas contrôlés par la biologie. Et lui, il dit que c'est l'économie politique qui doit les contrôler, et le droit, par conséquent. Nous, aujourd'hui, nous considérons, dans ce groupe dont j'ai parlé hier, à savoir ce groupe qui prépare un mémorandum pour l'ONU, qu'il faut mettre au cœur de la question de l'anthropocène, ces considérations de Lotka, et pour développer une politique de l'exosomatisation. Politique, c'est-à-dire ? Une politique industrielle, une politique juridique, une politique économique. Par exemple, pour dire, et ça c'est ce dont nous parlions hier et avant-hier, il faut utiliser ces nouveaux organes exosomatiques, je ne sais pas, les smartphones, demain peut-être les puces RFID sous-cutanées, puisqu'on nous parle de ce genre de choses. Moi, je ne suis pas contre, absolument a priori. Moi qui perds souvent mes clés, je serais presque pour. Et je ne suis pas absolument contre. Mais la question, c'est par contre, je suis complètement contre le fait de confier ça à Monsanto ou à je ne sais quelle entreprise de la Silicon Valley. Ça, en aucun cas, je ne serais prêt à faire cela. Ni à une officine d'un parti politique qui serait en charge de gérer tout ça. Non, ce que je crois, c'est qu'il faut mettre en place une économie de la négentropie, de la lutte contre l'entropie, qui va s'emparer de ces nouveaux moyens exosomatiques. Par quoi ? Par une politique économique et industrielle qui sera porteuse d'une lutte contre l'anthropocène. Voilà. Donc je reviens à ce que nous avons vu hier et avant-hier. Mais ça suppose quoi ? Ça suppose de repenser très en profondeur toutes les sciences, en fait, tous les programmes scientifiques. Pourquoi ? Par exemple, considérer la santé humaine du point de vue de l'exosomatisation, ça change beaucoup de choses à la façon de concevoir ce que c'est que la santé et la biologie. En fait, Lotka a eu un précurseur. C'était Georges Canguilhem. 2 ans avant que Lotka n'écrive ça, Georges Canguilhem, dans Le normal et le pathologique, en 1943, disait, en fait, l'homme est caractérisé par le fait qu'il produit des organes artificiels. Mais il n'a pas appelé ça exosomatique. Avant Georges Canguilhem, il y a quelqu'un d'autre qui a dit ça. C'est Karl Marx, au début de l'idéologie allemande, en disant l'homme se caractérise d'abord par le fait qu'il produit ses organes et que c'est la lutte sociale, c'est pour la définition de la manière de produire ses organes et de recueillir les fruits. Voilà. Donc il y a de l'antériorité à tout ça. On pourrait même remonter plus loin. Et puis par ailleurs, il y a tous les préhistoriens avec lesquels j'ai beaucoup travaillé qui quand même, depuis à peu près 50 ans, font de l'anthropologie de toutes ces questions. Nous considérons qu'aujourd'hui, il faut reconsidérer toute l'économie, le droit, la démographie, enfin toutes ces questions-là, du point de vue exosomatique. En 1972, la mission Apollo 17 rapporte la première photographie de la Terre dans son entièreté. L'image devient rapidement l'emblème d'un monde clos, fini, d'une planète fragile. La même année, un groupe d'experts, de hauts fonctionnaires et d'industriels de plus de 50 pays, le Club de Rome, commande un rapport à une équipe de chercheurs du MIT. Le rapport a pour titre « Les limites de la croissance ». Ces scientifiques sont à la pointe de la technologie grâce à une machine ultra-moderne à laquelle le grand public n'a pas encore accès, l'ordinateur. Ils mettent la Terre en courbe, en statistiques et en équations. Le rapport élabore 13 scénarios pour le futur et alerte sur un effondrement de la civilisation industrielle au XXIe siècle. Les causes de cet effondrement, la pollution, le manque de ressources et la surpopulation. L'idée des limites à la croissance est formulée pour la première fois au plus haut niveau par les élites du capitalisme. S'adresser à de vastes bureaux et de très longs couloirs, certes fort bien moquetés, tels que les Nations Unies, n'est-ce pas, Bernard Stiegler, ouvrir une porte par avance quelque peu kafkaïenne ou orwellienne? Est-ce que stratégiquement, aller voir, on comprend très bien évidemment l'intention qu'il y a derrière, la dimension haut-parleur, la dimension résonante que peut porter une telle caisse, un tel bâtiment que les Nations Unies, mais c'est aussi un endroit, si j'ose dire, où l'on se perd dans des dédales. Bien sûr, bien sûr. Alors, je pense que vous n'avez pas forcément été insensible à la problématique. Bien sûr. Comment y avez-vous réfléchi ? Ben, si vous voulez, ce que je crois, moi, c'est qu'il faut prendre toujours au mot les institutions, les entreprises, etc. Ah, vous êtes là pour lutter contre la guerre ? Ben, parlons-en. Parce que le problème de ces institutions, corporations, etc., c'est qu'elles noient toujours les poissons, bien entendu. Comme on le sait très bien, une institution travaille avant tout au maintien de sa propre structure. Voilà. Maintenant, nous arrivons à une limite. Donc il y a des moments où, des limites étant franchies, l'institution ne peut plus ne plus travailler sur elle-même. Alors, c'est le seuil critique. C'est le seuil critique. Ouais. Vous avez bien compris que je ne parie pas que là-dessus. En fait, nous proposons une méthodologie. Une méthodologie qui consiste à dire, bon, voilà, nous voulons un agrément de l'ONU, mais aussi des subsides, parce que l'ONU a quand même pas mal d'argent. Et donc, si on doit lutter contre la guerre, c'est ça. Il y a la guerre économique. Donc, arrêtons peut-être de dispenser beaucoup, beaucoup d'argent, de matériel militaire, etc., mais faisons peut-être une guerre à la guerre économique. C'est-à-dire, essayons de mettre en place les conditions d'une paix économique, voilà, où on ne détruirait plus les localités, les pays, etc., par la guerre économique, qui est quand même le très grand problème aujourd'hui, qui peut mener à la guerre tout court d'ailleurs, hein, puisque la tension sino-américaine est extraordinairement dangereuse. Donc c'est une vraie question. Et moi je parle de questions comme ça en Chine. Hein. J'interviens en Chine, j'enseigne là-bas, il y a des gens en Chine qui se posent des questions là-dessus. Je le faisais autrefois en Amérique, mais j'ai plus le droit d'y aller en Amérique. Voilà. Mais autrefois je travaillais en Californie avec des gens là-dessus. Et pas seulement en Californie, aussi à Boston. Ce que je veux dire, c'est que moi, je suis légaliste. Nous sommes, quand je dis moi, ce groupe est légaliste. À l'IRI, nous sommes des légalistes. C'est-à-dire que nous pensons qu'il faut Institut Recherche et Innovation. Voilà. Et nous pensons qu'il ne faut pas court-circuiter les institutions. Il faut les transformer. Alors, parfois, il faut les forcer un peu à se transformer. Nous comptons bien aller voir l'ONU avec beaucoup d'acteurs, avec la société civile, aussi avec des grands acteurs économiques qui nous soutiennent. Et pour essayer de peser très fort dans un rapport de force. Hein. Ça va être un rapport de force. Voilà. Nous comptons beaucoup sur le canton de Genève et la Suisse pour nous aider, parce que je pense que la Suisse est très sensible à ce genre de problématique-là. Je pense qu'en Suisse, il se passe beaucoup de choses. Je dis ça parce que je suis venu assez souvent en Suisse faire des conférences et j'ai quand même été frappé à quel point souvent on comprenait bien ce que je disais. Voilà. Sur le fait, par exemple, que le travail et l'emploi, c'est pas la même chose. Voilà. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, tout le monde est menacé. Hein. La Suisse, l'Amérique, la Chine, absolument tout le monde est menacé. Et à très court terme. Donc il faut se retrousser les manches, il faut faire des efforts ensemble, et il faut parier qu'on peut, parce que si on commence par dire qu'on ne peut pas, bon, on est mort, hein, on est fichu. Et l'Europe, vous y avez... Alors, oui, bien entendu. Un des points, évidemment, un des jalons qui nous mènent vers Genève, c'est les élections qui vont avoir le 29 mai prochain. Qui sont quand même considérés comme ayant probablement un résultat extraordinairement mauvais pour le projet européen. On verra bien. Je fais partie de ceux qui le croient, et ça fait très longtemps que je dis, puisque j'avais écrit un livre qui s'appelait « Constituer l'Europe ». Ça fait à peu près depuis 2005 que je anticipe ce genre de choses, donc c'est pas du tout une surprise pour moi. Ce que je crois, c'est qu'il faut, à cette occasion de cette démarche dont je viens de parler à Genève, refonder un projet européen. Et le refonder sur quoi ? Sur le fait que l'Europe reprenne une véritable autonomie de pensée. Aujourd'hui, l'Europe, je connais assez bien, je parle de l'Europe au sens de, pas simplement de l'Union européenne, mais de la Commission européenne, avec laquelle j'ai été amené à travailler, puisque j'ai été directeur de l'INA pendant quelques années, j'étais le correspondant de la Commission européenne en France pour les aspects audiovisuels. Donc je connais très bien, j'avais d'ailleurs des amis, très très bons amis qui travaillaient à la Commission européenne, mais c'est une catastrophe. Ce qui se passe à la Commission européenne, c'est une catastrophe qui a détruit l'Europe. Voilà. Et aujourd'hui, alors après, il ne s'agit pas de faire un procès à qui que ce soit. La question, c'est de reconstruire. Nous savons aujourd'hui que l'Europe est très mal partie. Et nous devons maintenant faire une analyse de ces raisons pour lesquelles elle est très mal partie. Moi, j'ai une thèse là-dessus. Parce que j'ai fait ça professionnellement tous les mois en allant à Bruxelles. L'Europe était complètement sous contrôle du lobby anglo-saxon. Ça, c'est tout à fait vrai. Qui disait, il ne faut pas avoir de politique industrielle, c'est le marché qui doit décider de tout. Ce que jamais les États-Unis n'ont fait, c'est l'armée américaine qui a toujours mené la politique industrielle. Et ce qu'évidemment ne fait pas la Chine, maintenant c'est le Parti communiste chinois qui le fait. Et ce qui fait qu'on a deux géants colossaux, véritablement, de chaque côté. Et nous, au milieu, il n'y a rien. Alors que l'Europe reste le continent le plus riche, le continent le mieux formé. On peut dire qu'il y a un déclin de l'Europe, c'est une évidence, il y a très très gros problèmes sociaux, mais ça reste un continent de rêve par rapport à ces autres pays. C'est incomparable. Voilà. Et donc il y a des atouts inouïs. Il y a simplement un manque d'intelligence des gens qui ont dirigé cette commission pendant très très longtemps. Et il faut changer cela. Nous pensons qu'il faut le changer positivement. Le problème, c'est pas de demander la tête de qui que ce soit ou de demander la destruction de je ne sais quel. C'est de faire des propositions concrètes, positives. Et donc nous soutenons que l'Europe doit jouer un rôle entre l'Amérique et la Chine de tiers, non pas pour les faire dialoguer entre eux, mais pour produire une troisième voie, si je puis dire. C'est pas la troisième voie au sens où le mot a été utilisé, bien entendu, dans les années 90. Vous m'inquiétiez. Mais je dirais une vision alternative de quoi ? Eh bien, de ces technologies numériques, par exemple. France Culture a diffusé une émission récemment dont le sujet était, alors je me souviens plus du titre exact, mais c'était refonder les réseaux sociaux, repartir à zéro. Enfin, on se pose les bonnes questions. Nous ici à l'IRIP, moi j'ai créé l'IRIP pour ça. Ça fait des années que nous disons, ça fait 13 ans que nous disons, il faut pas s'engager dans ces réseaux sociaux américains, ils sont très dangereux, ils sont très toxiques, etc. Il faut un modèle européen. Nous avons développé des modèles ici. Et je vais vous dire, on a développé des modèles avec un Américain et un Chinois, financés par l'armée américaine en plus, parce qu'on n'a pas trouvé de financement en France. C'est l'armée américaine qui nous a financés. Il y a maintenant... Sans contrepartie. Sans contrepartie. Ben si, quand même, parce qu'ils ont récupéré les résultats, bien entendu. Il y a aujourd'hui un réveil là-dessus. Entre Cambridge Analytica, le scandale de la Ligue du LOL en France, etc. Et beaucoup, beaucoup d'autres choses. Il y a une prise de conscience du fait que ces technologies sont absolument destructrices. Il faut que l'Europe se réveille. Je rappelle quand même, je l'ai d'ailleurs déjà dit sur votre antenne la fois d'avant quand on s'était vu, que le World Wide Web a été conçu en Suisse avec de l'argent européen et que c'est l'Europe qui est à l'origine du web, c'est pas du tout l'Amérique. Donc on a tout à fait les moyens de faire ça. On a les moyens financiers, on a les moyens intellectuels, on a les moyens éducatifs. Voilà. Donc, par contre, on n'a aucune volonté politique et on s'est mis dans la tête qu'il fallait que ce soit le marché qui fasse la politique. Mais c'est pas possible. Le marché n'est absolument pas capable de faire la politique. Stigler, on en vient à un point là où ce que vous avancez, et comme je suis du mieux que je peux en tout cas un certain nombre de vos travaux et de vos interventions, ou d'évidence, non pas vous avez, on va dire un vous collectif, comme ça vous ne serez pas chargé et embarrassé, d'avoir un peu prévu les choses telles qu'elles allaient se développer. Alors on peut avoir un sentiment double par rapport à ça. C'est peut-être le vôtre. Ma voix ne porte pas suffisamment, je n'explique pas suffisamment bien, ou je m'adresse décidément à des gens qui sont partagés entre beaucoup de sourds, un peu de mauvaise foi, et des qui n'ont absolument pas envie d'en entendre parler. Bref, quand on envoie comme ça des signaux qui ne sont pas perçus et qu'on est un peu inutile comme le fameux prophète en son pays, est-ce que vous pratiquez l'approche qui consiste à dire un jour ou l'autre, le rendez-vous sera pris, il s'agit d'attendre suffisamment patiemment que ce seuil d'équilibre dont on parlait soit à la lisière de la rupture, et c'est au moment seulement de la rupture que l'on peut penser véritablement action, et que tout ce que l'on a amassé avant, accumulé comme matériel, servira à ce moment-là, qu'il faut simplement... puiser dans le registre de la patience. Oui, c'est à peu près exactement comme ça que nous voyons les choses. Sachant que nous l'avons théorisé, ça, d'ailleurs. Moi-même, j'ai écrit un livre donc, dans la description où j'ai essayé d'expliquer comment fonctionne le déni de la dangerosité de tous ces processus-là. Je l'ai étudié de près, parce qu'en plus j'ai été associé, j'ai été membre du Conseil national du numérique, j'étais associé donc à l'action gouvernementale, et donc j'ai vu de très très près comment tout ça fonctionne. Mais dénier, par exemple, pardonnez-moi de vous interrompre, dénier, est-ce que c'est éviter que d'accentuer l'angoisse, c'est-à-dire de plonger dans un inconnu encore plus terrorisant que le spectacle précédent que l'on peut voir et qui est déjà inquiétant. Est-ce que c'est un saut qu'on veut éviter ? Alors c'est à la fois ça, qui est chez nous tous, hein, moi le premier, hein, parce qu'il faut bien dormir, donc y a des moments où j'essaie de penser à autre chose quand même, hein, surtout à l'heure d'aller me coucher. Bon, et parfois je me réveille à 3h du matin et j'arrive plus à m'endormir parce que ça me revient dans la tête, voilà. Ça m'arrive souvent malheureusement. Mais après il y a ceux qui exploitent ça. Et je vais vous donner un exemple. Quand Uber a commencé à se développer en France, j'étais au Conseil National du Numérique. Nous avons été que deux à alerter le gouvernement en disant que c'était très dangereux cette démarche. Tout le reste disait c'est super, c'est l'innovation, ça va donner de l'emploi aux jeunes qui n'ont pas de métier, etc., etc. Bon, évidemment tout le monde a envie de rêver de ça. Par exemple dans le territoire où je travaille, la Seine-Saint-Denis, il y a énormément de chauffeurs Uber. Demandez-leur aujourd'hui ce qu'ils pensent d'Uber à ces gens-là. Vous savez bien que Uber, d'abord, les paye dans des conditions absolument scandaleuses, et qu'ils leur font investir dans leur voiture, etc., etc. Enfin bref, ils prennent aucun risque, ils prennent tous les bénéfices. Voilà. Et donc ces gens-là sont esclavagisés, et en plus, ils ont développé des flottes de taxis autonomes, c'est-à-dire sans chauffeur. Donc, voilà, et Uber, Airbnb, enfin tous ces modèles-là. J'ai été stupéfait de voir, quand j'étais dans ce conseil, qui était constitué de gens quand même très intelligents, hein, et très bien informés en plus, une espèce d'unanimisme sur le fait que, mais si, il faut le faire. Et alors, avec un argument, en plus, c'était de dire toujours, oh oui, mais vous, les Français, ils sont jamais contents, les Français, ils rejettent toujours tout. Mais je rappelle que quand même, San Francisco et Londres, mais maintenant, il y a beaucoup d'autres villes, Berlin, etc., ont interdit Uber. Donc c'est absolument incroyable le niveau de déni, si vous voulez, du réel, voilà, et le refus de penser en fait. Et je dis de penser avec un E et avec un A, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de fascination qui s'est installée. Alors nous, nous théorisons ça, et alors précisément c'est provoqué par ce qu'on appelle la disruption. Qu'est-ce que c'est que la disruption ? C'est une innovation exosomatique, c'est-à-dire une production d'exosomatisation tellement rapide qu'elle prend de vitesse les organismes. Et par exemple, moi quand je travaillais, parce que dans ce conseil on a aussi fait des tentatives de régulation, on régulait un processus, je ne sais pas, lié à une offre de Google, etc. On allait beaucoup plus vite que l'État classique, on arrivait à répondre en 3 mois à quelque chose, pourquoi il faut 2 ou 3 ans à l'État. Mais quand on apportait les réponses, le problème n'existait déjà plus. C'est-à-dire que la technologie avait déjà évolué, et il fallait reprendre, et en fait on n'arriverait jamais à réguler. Donc ça, c'est quelque chose qui était déjà anticipé par Norbert Wiener, par toutes sortes de gens, par Toynbee. Donc il y a une théorie de ça. Nous avons élaboré une théorie de ça. Et nous disons, dans ce point, il ne faut pas renoncer, il ne faut pas se décourager. C'est la ténacité, la première vertu. Il faut garder les concepts, il faut continuer à produire des concepts nouveaux, et il faut expérimenter. C'est-à-dire qu'il faut prouver et montrer qu'avec des gens avec lesquels on travaille, que ce soit des habitants du quartier de Saint-Denis dont je parlais l'autre jour, que ce soit l'entreprise Danone, que ce soit des puériculteurs ou des puéricultrices ou des médecins, etc., etc., ben on a appris des choses en travaillant qui apportent des nouvelles données. Donc, effectivement, nous pensons que dans ces conditions-là, il y a un moment où on arrive à un seuil critique. Et quand on arrive à ce seuil critique, alors on peut commencer à être écouté. Voilà, c'est là-dessus que nous parions aujourd'hui. Et nous serons demain pour en savoir encore un peu plus, Bernard Stiegler, autour d'une autre piste de conversation, d'entretien, autour de termes, de théorie et action, pour faire suite à votre dernier propos. À demain.